Bismillahir Rahmanir Rahim wa alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ra'ayna fil usbu' al madi arba'a suwaran fima yata'allaqu bil dhahibin ila al maqbara. Nous avons vu la semaine dernière 4 cas concernant ceux qui vont visiter les cimetières. Qui me les rappelle, les 4 cas de façon résumé. Allez, un. Voilà qui nous couvre les musulmans ou les mushrikins. Les mushrikins. Les mushrikins. Les mushrikins. Voilà. Et voilà. Et donc, premier cas, le fait de visiter les tombes des polythéistes pour se rappeler de la mort. Et ça, on avait dit que c'est Jaiz, c'est permis. Deuxième cas. Le fait de, donc le deuxième cas, le fait de visiter les cimetières des musulmans pour invoquer pour eux. Et ça, c'est permis. Troisième cas. Troisième cas, le fait de visiter les tombes, les cimetières des non-musulmans afin d'invoquer pour eux. Ça, c'est pas permis. Et quatrième, non, ça c'est ce qu'on a dit. Vas-y. Et tawassul. Donc le fait de visiter les tombes des musulmans pour soit faire en sorte ou les prendre comme intermédiaires ou alors aller là-bas en pensant que c'est un lieu durant lequel les invocations sont exaucées, etc. On avait dit que tout cela c'est du shirk, c'est du polythéisme. Tayyib. Idhan baqiya lana an nara amran min al-muhimmat kadhalika wa huwa annahu qala ba'd al-ulama إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا. Et donc il nous reste à prendre quelques sujets, parmi les sujets importants, le fait que certains savants ont dit que le prophète صلى الله عليه وسلم est né alors qu'il était circoncis. Il est né circoncis. وإن هذا من خصائصه يرحمك الله وإن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. Et ils ont dit que cela fait partie des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il soit né en étant circoncis. Istadallu bi hadithin dhakarahu at-Tabarani fi kitabihi al-Awsat min karamati annani wulidtu makhtunan wa lam yara ahadun sawati. Et donc ils se sont basés sur cela, ils se sont basés pour cela sur un hadith qu'a cité at-Tabarani dans son livre al-Awsat, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit fait partie de mes keramat, donc mes miracles, le fait que je suis né en étant circoncis et que personne n'a vu mes parties. Et que personne n'a vu mes parties. Wa qala ahlu at-takhassus inna hadha al-hadith makdhub. Et les gens, les spécialistes, c'est qui les spécialistes ici? Ahlu al-hadith. Les spécialistes, ils ont dit que ce hadith est inventé. Que ce hadith est inventé. Il y a plusieurs méthodes pour connaître des hadiths inventés. Il y a, on peut utiliser la chaîne de transmission, mais aussi le metn, la parole même du hadith, qui parfois aussi montre que le hadith a été inventé. Les savants du hadith ont écrit beaucoup de livres sur ce sujet. Concernant par exemple al-mawdu'at, les hadiths qui ont été inventés concernant le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. C'est une science qui est importante, notamment que beaucoup parmi les ennemis de l'islam et les ennemis de la sunna ont cherché à inventer des hadiths concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le salir ou autre, que ce soit parmi les chiites qui ont inventé des ahadiths, ou d'autres qui ont inventé des ahadiths concernant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pour cela que c'est important, donc, qu'il y ait dans cette communauté des personnes, des gens de science, des savants, qui s'occupent de cela, afin que les musulmans puissent connaître ce qui est authentique et ce qui est faux concernant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Wal qawlu thani annahu khatanahu aw khatanahu Abdul Muttalib, fil yaumi ou fi yaumi sabi'ihi, وسماه محمدا. Le deuxième avis, c'est que c'est Abdul Muttalib qui l'a donc circoncis. Et il l'a appelé Mohammed, donc durant son septième jour. Durant son septième jour, Abdul Muttalib, il l'a circoncis et il l'a appelé Mohammed. Dans ce texte-là aussi, dans ce hadith-là aussi, il y a dans la chaîne de transmission une faiblesse. Mais on n'arrive pas au degré de faiblesse du hadith qu'on a vu précédemment, qu'on dit makdhoub, il est inventé. Là, c'est le degré le plus faible qu'on peut trouver dans les hadiths. Et même certains savants disent que on ne peut pas stipuler, qu'on ne peut pas dire qu'un hadith inventé, c'est un hadith. Ça, c'est, il y a les hadiths faibles. Tel hadith est faible, on a des degrés dans les hadiths faibles. Et après, on a les hadiths inventés. Ça, c'est autre chose. C'est à part. Tellement ils sont faibles, on ne les met pas avec les autres. Ça, c'est un autre sujet. Bi'idhnillahi ta'ala qu'on essaiera de développer. C'est quand même un sujet important. Et le troisième avis, annahu hasala fi hadithat shaqq as-sadr. Le troisième avis, c'est que cela s'est passé lorsque la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut fendue par les anges. Le cheikh, lorsqu'il a cité ces trois avis, il n'a pas cité que un avis était plus prépondérant. Il n'a pas cité qu'un avis était plus prépondérant. Il a dit qu'on verra plus tard. Donc l'histoire qui stipule lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa poitrine a été fendue. Il a dit ça, on le verra plus tard. Et ensuite, il a dit que le premier avis qu'on a vu, le fait qu'il soit né circoncis, ça c'est rejeté totalement. Ça c'est une histoire inventée. Et donc, le cheikh s'est arrêté là, en citant les trois avis, et nous on va faire la même chose. Inch'Allah ta'ala. Et donc, voyons voir cette histoire. Que s'est-il passé? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les anges ont fendu sa poitrine. فَسَنَتَكَلَّمْ أَوَّلًا قَبْلَ هَذَا عَنْ أَوْلَادِهِ. Mais avant cela, on va parler de ses enfants, les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّبِيَّ sallallahu alayhi wa sallam لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ. Et donc il est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trois garçons. Trois garçons qui sont Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim. Fal-Qasim huwa alladhi yukanna bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa wulida bi Makkah qabla an-nubuwwah wa mata wa kana 'umruhu sanatayn. Et donc Al-Qasim, c'est celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise son nom pour sa kunya. Qu'est-ce que la kunya? Le fait de dire donc Abu Fulen, Abu Untel. Le prophète, il est appelé Abul Qasim. On l'appelle donc Abul Qasim. Et donc, c'est le nom d'El Qasim qui a été utilisé pour la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. El Qasim, il est né à la Mecque et il est mort alors qu'il avait 2 ans. Thumma ibnuhu Abdullah, wa huwa wulida fil Islam. Et ensuite, son fils Abdullah, et Abdullah, il est mort durant la période islamique. Abdullah, il est né, excusez-moi, durant la période islamique. Wa thalithu Ibrahim. Wulida fil Medina wa mata biha sanata 10 wa huwa ibnu 17 ou 18 shahran. Ensuite son fils Ibrahim qui est né à Médine et donc aussi durant la période islamique, il est né donc en l'an 10 de l'Hégire et il est mort Ibrahim alors qu'il avait 17 ou 18 mois. Vous pouvez constater que c'est une épreuve. Un homme qui perd un enfant, ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais lorsque un homme perd beaucoup d'enfants, pas deux, c'est beaucoup d'enfants, là c'est difficile et c'est là qu'on voit l'endurance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait que cela ne l'a pas empêché de continuer la da'wah. Et c'est là que nous aussi nous devons prendre exemple sur lui sallallahu alayhi wa sallam, même dans la difficulté, même dans la difficulté. Il a fait la da'wah même lorsque Ibrahim est mort. Lorsque Ibrahim est mort, que s'est-il passé? Lorsque Ibrahim est mort, Naam, on a eu une éclipse. Il y a eu une éclipse. Alors, le prophète, il vient de perdre son enfant. Il y a une éclipse. Les gens, ils ont dit que l'éclipse solaire, elle était due à la mort d'Ibrahim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a rejeté cela. Tout de suite, il l'a rejeté. n'a pas dit, ah, je suis pas en forme, mon fils il est mort, Inch'Allah plus tard. Non, tout de suite, il l'a rejeté. Le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Ce sont des créatures d'Allah. Elles ne s'éclipsent pour aucune des créatures d'Allah. Mais cela nous montre la puissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Regardez donc ce messager qui, même dans l'épreuve, même dans la difficulté, il continue à appeler les gens au tawhid. Jusqu'à sa mort, sur son lit de mort, il appelle les gens au tawhid, même dans l'épreuve. Amma al-banat fahunna arba'a. Par contre, ces filles, elles sont au nombre de 4. Al-ula Zainab, wa hiya allati tazawwajaha Abu al-As ibn al-Rabi' ibn Abd al-Izza, wa huwa ibn khalatiha, wa waladat lahu Umama wa Aliyan wa ghayrahu. Et donc parmi ces filles, la première c'est Zainab. Et Zainab, c'est celle qui s'est mariée avec Abu al-As, Ibn al-Rabi', Ibn Abd al-Uzza, et celui-ci, c'était donc le fils de sa tante, Khala, la tante maternelle. Et donc Zainab, elle a enfanté de Umama et de Ali. Elle a enfanté de Umama et de Ali, et d'autres. Thumma, donc après Zainab, on a Fatima. Wa Fatima tazawwajaha, qui s'est mariée avec Fatima? Ali. وولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم. Zainab, donc, elle a engendré avec Ali, الحسن, الحسين, ainsi que أم كلثوم. بنت علي. أم كلثوم, la fille de Ali. À ne pas confondre avec أم كلثوم, la fille de, du prophète, صلى الله عليه وسلم. ثم رقية. Et donc, رقية, et c'est celle qui s'est mariée avec Uthman. Et ensuite, رقية qui est morte. Et Uthman, il s'est marié après avec Umm Kulthum. Et s'est donc marié avec deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour cela qu'il a été appelé Zunnurayn. Zunnurayn, celui qui a les deux lumières. Donc Zunnurayn. Wa ma'a tartib, et donc en les citant dans l'ordre, nous avons donc Al-Awwal huwa Al-Qasim. Le premier c'est Al-Qasim. Thumma Zainab, ensuite Zainab, ensuite Ruqayya, ensuite Fatima, ensuite Umm Kulthum. Thumma fil Islam. Après ça, dans la période islamique, nous avons Abdullah et Ibrahim. Wa kullu ha'ula'i matu qabla an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam illa Fatima. Et tous sont morts avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf Fatima, qui est morte 6 mois après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que, justement, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement difficile à supporter pour elle qu'elle est morte peu de temps après son père, Fatima radiallahu anha. Et tous ses enfants sont les enfants de Khadija, sauf Ibrahim, qui est l'enfant de Maria. Maria, donc, qui était une esclave du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهؤلاء هم أولاده وقد ذكرنا أنه كان يكنى بأبي القاسم. Et donc on a cité que sa kunya c'était Abu al-Qasim. وفي هذا مسألة فقهية. Et concernant cela, il y a un sujet de fiqh, de jurisprudence islamique. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. Il était rapporté dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous pouvez vous appeler par mon nom, mais n'utilisez pas ma kunya. Et donc une personne peut s'appeler Mohammed, mais n'utilisez pas ma kunya, Abu al-Qasim. Fakhtalaf al-ulama, les savants ont divergé. Hal yunha anhu ba'da mawtihi aw la. Est-ce que cela aussi est interdit après la mort du prophète ou pas? فَقَالَتْ طَائِفَةٌ وَهُمْ الشَّافِعِيَّةِ وَقِيلَ كَذَلِكَ الظَّاهِرِيَّةِ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا. Et donc, il y a un groupe, c'est الشَّافِعِيَّةِ, et il a été rapporté aussi de الظَّاهِرِيَّةِ que cela n'est pas permis. Cela n'est pas du tout permis qu'une personne prenne la kunya Abu al-Qasim. Est-ce qu'on a des Abul Qasim ici dans la mosquée? Non, son prénom. En prénom, on a Qasim. Mais Abul Qasim, il n'y a pas. Et donc, on a donc ce premier avis que ce n'est pas du tout permis. Ils disent pourquoi? Parce que le prophète, il l'a interdit. Le prophète, il a dit, vous ne le faites pas, cela c'est totalement interdit. Ils se sont appuyés sur ce hadith qui est dans le recueil de Al-Bukhari et Muslim. Al-Qawlu al-Thani, annahu yajuz. Le deuxième avis, c'est que cela est permis. Qawlu kana yunha anhu fi hayatihi. Amma ba'da mawtihi, fayajuz. Ils ont dit cela était interdit durant la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, après sa vie, donc après sa mort du moins, il n'y a pas de mal en cela. Quelle est leur preuve? Leur preuve, c'est qu'ils se sont basés sur l'histoire du hadith. Le hadith qu'on vous a cité précédemment, le hadith dans le recueil de Sahihayn, Al-Bukhari et Muslim, il a une histoire. Que s'est-il passé? Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yamshi fi souq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait donc dans le marché. Faqala rajulun ya Aba al-Qasim. Un homme a dit: "Oh Aba al-Qasim", faltafata an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retourné vers cet homme. Alors l'homme, il a dit: "Lam a'nika ya Rasulallah. Ce n'est pas toi que je voulais, au messager d'Allah." Annahu yaqulu lahu: "Innama kuntu uridu rajulan akhar kunyatuhu Abu al-Qasim." Cependant, c'est comme si la personne, elle disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam: "C'est pas toi que je voulais, mais je voulais une autre personne dont sa kunya c'est Abu al-Qasim." Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: "Tasammaw bismi wa la taftanu bi kunyati." C'est là qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: "Vous pouvez utiliser mon nom, mais n'utilisez pas ma kunya." Le troisième avis, ils ont dit dans le hadith, fil hadith, dhukira tasammaw bismi wa la taktanu bi kunyati. Vous pouvez utiliser mon nom, mais n'utilisez pas ma kunya. C'est-à-dire, man kana ismuhu Muhammadan fala yajuzu lahu an yatakanna bi Abi al-Qasim. Celui dont son nom c'est Mohammed, alors lui, il ne lui est pas permis de s'appeler, de prendre la kunya Abu al-Qasim. Amma man kana ismuhu ghayra Mohammed, fahada yajuzu lahu an yatakanna bi hadhihi al-kunya. C'est-à-dire que celui dont son nom à la base, son nom, c'est pas Mohammed, alors lui, il lui est permis de se faire appeler Abu al-Qasim. Et donc, كثير من العلماء رجحوا القول الثاني. Beaucoup de savants ont donc dit que l'avis le plus juste est le deuxième avis. وهو قول الإمام مالك. Et c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah. C'est-à-dire que ce n'était pas permis quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, mais après sa mort, il est permis de s'appeler Abul Qasim. Et c'est là qu'une personne, elle peut dire: Taïb, et donc pourquoi est-ce que vous avez fait cette distinction? لماذا فرقتم هكذا؟ فنقول له لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأذى من ذلك. On lui dira, le prophète صلى الله عليه وسلم, il était gêné par cela, il était dérangé par le fait de se sentir interpellé comme ça et que ce n'est pas à lui qu'on parle. On va dire: Taïb, فلو كان الناس يقولون يا محمد. Et les gens aussi, ils peuvent dire: Oh Mohamed. Pourtant, il n'a pas dit, il n'a pas interdit qu'on s'appelle Mohamed. Il n'a stipulé que la kunya. فحين إذ نقول لا ليس الأمر كذلك لأن الله تبارك وتعالى نهى المسلمين أن يدعوا بعضهم بعضا باسم النبي صلى الله عليه وسلم. Parce que Allah تبارك وتعالى il a interdit aux croyants qu'ils s'appellent les uns les autres par le nom du prophète صلى الله عليه وسلم. Allah تبارك وتعالى qui nous dit: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Ne vous appelez pas, ou excusez-moi, n'appelez pas le prophète de la même façon que vous vous appelez les uns les autres. N'appelez pas le prophète de la même façon que vous vous appelez les uns les autres. C'est-à-dire que toi, c'est-à-dire que le musulman à cette époque, lorsqu'il voulait appeler le prophète, il ne pouvait pas dire Ya Mohammed. Il ne pouvait pas dire Ya Mohammed. On s'appelle les uns les autres. Ya Abdelkarim, Ya Yassine, Ya Foulen, Ya Foulen. Ok. Mais il était interdit d'appeler le prophète par son nom. Ya Muhammad. Voilà pourquoi كان الصحابة يقولون يا رسول الله. Ô messager d'Allah. Ya رسول الله. Ô messager d'Allah. وجائز أن يقال يا أبا القاسم. Et c'est permis de dire « Oh, Abul Qasim » parce qu'il n'y a pas d'interdiction. « فَلَمَّا كَانَ يَمْشِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَيَسْمَى يَا مُحَمَّدْ هُوَ يَعْرِفُ أَنَّ الْمَدْعُوَ غَيْرُهُ » Et donc le prophète, lorsqu'il marchait et qu'il entendait quelqu'un dire « Oh, Muhammad !» il savait pertinemment que celui qui était appelé, c'était un autre que lui. C'était pas lui. Et donc, il n'était pas dérangé par cela. « وَهَذَا يُؤَكِّدْ أَنَّ الصَّوَابْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ » Et cela confirme que l'avis le plus juste dans ce sujet, c'est l'avis de Al-Malikiya. وَنَنْتَقِلْ الْأَنْ إِلَى حَدِثَتْ شَكْ الصَّدْرِ Et on va maintenant aborder le sujet de l'ouverture, ou du moins, lorsque la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été fendue. فَكَانَ فِي بَادِيَةِ بَنِي سَعْد Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se trouvait donc dans le désert de Beni Sa'd. كَمَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ min hadith Anas ibn Malik, comme l'a cité l'imam Muslim selon le hadith de Anas ibn Malik. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yal'abu ma'al ghilman, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jouait avec les enfants. Il jouait avec les enfants de son âge. Fa atahu Jibril fa akhadhahu fa sar'ahu fa shaqqa 'ala qalbihi fastakhraja al-qalb فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكِ Et c'est là que Jibril est venu à lui, et il l'a assommé. Donc Jibril a assommé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a donc ouvert sa poitrine jusqu'à son cœur. Il a fait sortir son cœur, et de son cœur, il a fait sortir une épaisseur, une forme de sang épais. Et il a dit... Ceci est la part de Shaitan qu'il y a en toi. Ceci est la part de Shaitan qu'il y a en toi. ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِّنْ ذَهَبْ بِمَاءِ زَمْزَمْ Et ensuite, il l'a lavé dans une sorte de bassine en or. Dans une forme de bassine en or avec de l'eau de Zemzem. ثُمَّ لَأَمَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ إِلَى مَكَانِهِ Et ensuite, il a refixé donc cette forme de sang épais au cœur après l'avoir lavé, et il l'a replacé à sa place. Il l'a remis à sa place. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره. Et donc les enfants donc sont allés, se sont précipités à aller voir sa mère. Ce qui est voulu par là, c'est sa mère de lait. فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلْ Ils ont dit, certes, Muhammad s'est fait tuer. فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ Ils l'ont retrouvé alors que sa couleur, elle avait changé. Les savants, ils disent que ce mot « مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ » il est utilisé lorsque la couleur de la personne, elle change tellement elle est choquée ou tellement elle a peur. وَحُقَّ لَهُ أَنْ يَخَافَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Et c'était son droit d'avoir peur, particulièrement à cet âge. Quand il voit ce genre de choses. Quand le Anas, وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمَخِيطِ فِي صَدْرِهِ Et Anas, il disait, je voyais les traces de cette cicatrice sur sa poitrine, sallallahu alayhi wa sallam. فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَا فِي كَمْ كَانَ عُمْرُهُ لَمَّا حَصَلَتِ الْحَادِثَ Les savants ont donc divergé, quel âge avait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cela est arrivé. فَقَالَ بَعْدُهُمْ إِنَّهُ قَدْ بَلَغَ سَنَتَيْنِ Certains savants ont dit que le prophète il avait atteint 2 ans lorsque cela s'est passé. وَاعْتَمَدُوا بِرِوَايَةٍ عِنْدَ أَبِي إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ أَنَّ عُمْرَهُ كَانَ فَوْقَ السَّنَتَيْنِ بِأَشْهُرٍ Et donc ils se sont basés sur cela, sur une narration qui était citée dans le recueil de Abu Ishaq, dans Sira, qui stipulait que cette histoire s'est passée lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait 2 ans et quelques mois. 2 ans et quelques mois. وَجَاءَ عِنْدَ أَبِي إِسْحَاقَ فِي طَبَقَاتِهِ أَنَّ الْقِصَّةَ حَصَلَتْ بَعْدَمَا بَلَغَ 4 سِنِينَ Et il y a aussi donc une autre version dans Tabaqat de Abi Ishaq qui stipule que cette histoire s'est produite lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait 4 ans. وَكِلْتَ الْقِصَّتَيْنِ ضَعِفَتَيْنِ Et les deux histoires, les deux chaînes de transmission sont faibles. Les deux elles sont faibles. Et c'est pour ça que, alhamdoulillah, c'est quand même un travail important, le fait que les gens de la sunna, ils s'occupent de ce sujet. Le sujet de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les gens de la sunna, les gens du hadith, les gens qui ont la capacité de distinguer les chaînes de transmission authentiques et les chaînes de transmission faibles, ce sont eux qui sont le plus en droit de faire la vérification de des récits qui stipulent la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin alladhi alayhi kathirun min al-ulama an al-qissa hasalat ba'da ma balagha 4 sinin. Cependant, yarhamukallah, l'avis sur lequel s'appuient beaucoup de savants, c'est que cette histoire s'est produite alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 4 ans. Vous allez me dire, Abdelkarim, tu viens de nous expliquer l'importance de ilm al-hadith, l'importance des SNID, etc. Tu nous as cité que le hadith, lorsqu'il avait 4 ans, la chaîne de transmission, elle n'est pas authentique. Et là, tu me dis, la majorité des savants, ils disent que, qu'est-ce qui se passe? Là, on va vous dire, là, laysa bina'an 'ala al-hadith. Ils n'ont pas dit ça en s'appuyant sur ce hadith. Sur ce hadith-là, du moins. Pourquoi? لأنه جاء في بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم حين حصلت هذه القصة. Ils ont dit parce que le prophète صلى الله عليه وسلم il a été rapporté de façon authentique dans d'autres narrations que lorsque cette histoire s'est produite, le prophète صلى الله عليه وسلم il gardait les bêtes, il gardait les moutons. وهذا الولد الذي بلغ سنتين La yastati ou fi'alahu. Et l'enfant qui a atteint 2 ans, il ne peut pas faire ça. La yadri me hawlahu. Il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Amma alladhi balagha 4. Je vous aurais dit avant, oui. Maintenant, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 peut-être. Et donc, ils ont dit à 4 ans, yumkin. Yumkin a 4 ans que il s'occupe de garder les bêtes comme ça. Et qu'il joue, etc. فَجَاءَ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمِ فِي كِتَابِهِ الدَّلَائِلِ Et donc, Abi Nu'aym, Abu Nu'aym, il a cité dans son livre, الدَّلَائِلِ. الدَّلَائِلِ, c'est un livre de quoi? C'est toi. Oui. Je te pose la question parce que c'est toi qui m'as interrogé une fois sur les différents types de livres qu'on a cités au début. الدَّلَائِلِ, on avait dit quoi, الدَّلَائِلِ? Le premier cours, c'était il y a quasiment un mois. Ça, c'est le quatrième cours, c'est ça? Ouais. Il y a un mois. Non. C'est quoi Dela'il? Non. Mu'jizat al-Nabi sallallahu alayhi wa qu'est-ce que tu veux dire par Mu'jizat al-Nabi? Aïwa, barakallahu fik. Et donc, ce sont tous les récits, Dela'il, ce sont des récits qui regroupent, ce sont des livres, excusez-moi, qui regroupent tous les récits qui peuvent être utilisés comme preuve concernant la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que c'est réellement un prophète, réellement un messager d'Allah. Et donc, Abu Nu'aym, il l'a cité dans son livre, Ad-Dala'il, avec une chaîne de transmission, Sahahahu al-Imam al-Dhahabi, wa Ibn Kathir, wa al-Albani, wa Kathirun min al-Ulama. Une chaîne de transmission qui a été authentifiée par Al-Dhahabi, ainsi que Ibn Kathir, et l'Imam al-Albani aussi, et beaucoup d'autres savants qui ont jugé cela authentique. Anna Halimata, Bint Sa'din, intalaqat ma'ahu. Et donc, Halima, qui était celle qui... C'était qui Halima? Al-Murdi'a. Et donc, c'est celle qui l'allaitait. Et donc, Halima est partie avec lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans cette histoire, wa ana ma'abnin laha, fi behmin lana. Et donc, il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'étais avec, lorsqu'il raconte cette histoire, il dit, j'étais avec un de ses enfants, avec certains de ces bêtes, avec, excusez-moi, des bêtes, des jeunes bêtes. Al-Bahm, c'est-à-dire Al-Ranam al-Sirar, donc les jeunes moutons. Le prophète ainsi que ce garçon, l'enfant de Halima, ils étaient avec les petits moutons, donc en train de jouer, en train de les garder. Fantalaqtu ana wa akhi, faji'na, fantalaqa akhi wa makastu 'inda al-Ranam. Et donc, moi et mon frère de lait, nous sommes partis. Donc, ils ont laissé Halima. Nous sommes partis. Puis, mon frère est parti Et moi, je suis resté avec les bêtes. Je suis resté auprès des bêtes. Quand elle fait Akbele Ta'irani, Abyadani ka'annahuma Nasran. Et c'est là que deux oiseaux sont venus. Deux oiseaux blancs. Comme si c'était des aigles. Comme si c'était des aigles. Fekale ahaduhuma li sahibihi ehua hua. Alors l'un d'entre eux a dit à l'autre, est-ce que c'est bien lui? Aïe, ehada hua Muhammad, alladhi senef'alu bihi mais senef'alu. Est-ce que c'est bien lui, Muhammad, celui dont nous allons faire de lui ce que nous allons faire? Kale l'akharu na'am. L'autre il a dit, oui. Fekbele. يبادراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني. Alors, ils m'ont pris de court. Ils m'ont pris de court et ils m'ont jeté sur l'arrière de ma tête. Et ils ont ouvert mon ventre. ثم استخرج قلبي فشقاه. Alors, ils ont sorti mon cœur et l'ont fendu. Et donc, ici, donc, dans cette riwaya, il nous dit donc, shakka batni. Thumma stakhraja kolbi fe shakka. Et ensuite, ils ont donc sorti mon cœur et l'ont fendu. Fe akhraja minhu atiqain aswadain. Et donc, ils ont sorti deux, comme on a cité, donc, le sang épais noir. Ils ont sorti donc deux parties de sang épais noir. فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسلاني به أو فغسل به جوفي. L'un a dit à l'autre, ramène-moi de l'eau gelée. Et donc, ils m'ont lavé le ventre, ou m'ont lavé. Donc, el jawf ici va être appelé pour tout le torse de la personne, le ventre et le torse. Ils m'ont donc lavé avec cette eau. ثم قال لصاحبه ائتني بماء بارد فغسل به قلبي. Puis il a dit, ramène-moi de l'eau froide. Et ils ont lavé mon cœur avec celle-ci. Et ensuite il dit, ثم قال ائتني بسكينة. Et ensuite, viens, ramène-moi un couteau. فوضعه في قلبي. Alors ils l'ont placé dans mon cœur. فقال Khuttahu, khuttahu. Alors, il dit, coule, fekhatani. Alors, ils m'ont cousu. Ils l'ont cousu, sallallahu alayhi wa sallam. Thumma, khatama ala kolbi bi khitamin nubuwa. Et ensuite, ils ont placé sur mon cœur le sceau de la prophétie. Wa fi akhir al-qissa, annahu qala sallallahu alayhi wa sallam, ثم انطلق فتركاني وفرقت فرقا شديدا. Et donc, à la fin de l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, et ensuite ils sont partis, et ils m'ont laissé, et ils m'ont laissé avec une peur terrible. Faraktu. Et ici, donc, les savants, ils expliquent cela en disant que cela signifie la peur. Une peur terrible. Sallallahu alayhi wa sallam. ثم انطلقت الى امي فاخبرتها. Puis je suis parti voir ma mère Amina Halima. Et donc là c'est la mère de lait, c'est pas sa réelle mère, c'était donc sa mère de lait, donc Halima. فاخبرتها, je l'ai informé de ce qui s'est passé. فاشفقت ان يكون لويس علي. Et donc elle a eu peur que je ne fus touché par un mess, un haïn, un mauvais œil, ou un djinn, ou autre. Elle a eu peur. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Halima? فَذَهَبَتْ بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ Amina. Alors, elle a pris le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle est allée voir Amina, sa mère. Et elle lui a dit, فَقَدْ أَدَّيْتُ الْأَمَانَ. Elle a dit à Amina, donc, j'ai rempli mon engagement. J'ai fait ce qui m'a été demandé de faire. Je me suis occupé de lui. Et je l'ai allaité. وَلَكِنَّهُ حَصَلَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا. Cependant, il s'est passé ça, et ça, et ça, et ça. Et Amina, la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu en disant, فَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْمَنَامِ Je l'ai vu dans un rêve alors que j'étais enceinte de lui. Comme si c'est une lumière qui est sortie de moi qui a illuminé tous les châteaux du Chem. Et donc, Amina, lorsqu'on lui a raconté cette histoire, c'est comme si elle n'a pas eu peur. Comme si elle n'a pas été choquée. Comme si c'était quelque chose qui était déjà prévisible. Pourquoi? Par rapport aux signes qu'elle avait déjà vus durant sa grossesse. Et donc cette histoire, en réalité, c'est une préparation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le préparer à cette prophétie dès son enfance, et aussi pour le préserver de tomber dans ces péchés dans lesquels nous tombons. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est préservé donc de tomber dans les grands péchés. Et nous verrons plus tard, est-ce que les prophètes, c'est un sujet abordé par Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, est-ce que les prophètes sont préservés de tomber dans les petits péchés aussi? Ça, c'est un sujet qu'on verra un peu plus tard, bi'idhnillahi ta'ala. Et donc cela, cette histoire nous montre aussi un signe de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a été dès son enfance préparé à recevoir cette prophétie. Pourquoi? Parce que cette prophétie n'est pas accordée à n'importe qui. C'est une lourde tâche, une lourde fonction. Le fait d'appeler les gens au tawhid et de voir tous les gens se détourner de toi, illa qalilan, sauf peu. Le fait de patienter sur cela, le fait que certains essaient de te tuer à cause de cela, le fait que les gens mentent sur toi à cause de cela. Et nous, tout cela, lorsqu'on entend tout cela, il faut qu'on médite aussi par rapport à notre situation à nous. Lorsque les gens vont nous calomnier et mentir sur nous, mentir sur notre religion, notre belle religion, une religion qui appelle les gens au bon comportement. Lorsque les gens vont mentir sur notre religion et la faire passer pour une religion de terrorisme, allons-nous perdre nos moyens? Allons-nous perdre nos moyens et dire de notre religion ce qui est totalement faux? Délaisser les principes de notre religion pour être agréés par des gens qui mentent sur notre religion. Nous n'avons pas besoin de délaisser les bases de notre religion pour dire que notre religion n'est pas une religion de terrorisme. Et donc, je m'appelle ainsi qu'à vous, à rester ferme et à ne pas nous laisser emporter par tous ces troubles qu'il y a autour. Tous ces troubles qu'il y a autour. Alhamdulillah, tu es musulman. Remercie ton Seigneur et patiente. Allah tabaraka wa ta'ala qui a prévenu son messager du fait qu'il l'a fait descendre sur lui. Le Coran, le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, lorsqu'on lit ce passage, on pense que Allah, après cela, il va dire à son messager, Feshkur Rabbek. Alors remercie ton Seigneur. Mais non. Allah, il a dit, Fasbir li hukmi Rabbi. Patiente, alors. Patiente, pas alors au décret de ton Seigneur. Certes, tu es sur la vérité. Certes, tu connais la vérité. Certes, tu connais le Coran. Alors patiente. Patiente et endure. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été préparé dès son enfance. Et même après cela, cette histoire s'est reproduite encore une deuxième fois. Quand? Naam, barakallahu fik. Juste avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc soit élevé donc aux cieux, avant donc que les prières ne soient rendues obligatoires et autres. Juste avant, cette même histoire s'est produite. Et on le verra, inshallah ta'ala, lorsqu'on verra cette belle histoire. Justement, lorsque les gens ont démenti et ont rejeté cela, et que Abu Bakr Siddiq, qui n'a pas assisté à cela, que les gens sont venus le voir et ils ont dit, est-ce que tu vois, est-ce que tu as entendu ce que dit ton compagnon? Alors il a dit à Abu Bakr, et wakol avec? Il a dit ça? Ils ont dit oui. Alors Abu Bakr, il a dit, fana usaddiquhu. Alors je le crois. Wa usaddiquhu fi ma huwa ab'ad min dhalik. Et je le crois dans ce qui est encore plus lointain que ça. Il dit qu'il est monté aux cieux en une nuit et qu'il est revenu, je le crois. Je le crois dans ce qui est plus lointain que ça. Quoi? Usaddiquhu fi al-wahyi. Je le crois concernant la révélation. Concernant les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, je le crois. Et c'est pour cela qu'il a été appelé As-Siddiq. Abu Bakr As-Siddiq, radiallahu anhu. Le meilleur de cette communauté. Après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, nous, on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. On va se suffire de cela. On a donc fini cette histoire concernant ce jour durant lequel la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut fendue. Et donc, on va aborder, bi'idhnillahi ta'ala, la semaine prochaine, d'autres sujets, notamment le voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam au Chem. Et il y a dans ce voyage beaucoup, beaucoup d'histoires qui se sont produites, notamment avec les Juifs qui étaient déjà au courant de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela, on le verra, bi'idhnillah, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا